douce ville. Bonjour mon œil, bonjour ma chère amie, et bonjour ma toute belle. Ma mignardise, bonjour. Mes délices, mon amour, mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle, mon doux plaisir, ma douce colombelle. Mon passereau, ma chante toute bonjour, bonjour, madame.